Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les récits de voyage de Jacques Cartier au Canada. Cartier, qu'on peut considérer comme un bon navigateur, pour autant, il ne saura pas retrouver le fleuve, il donne même l'impression d'en ignorer l'existence. Et je me souviens d'avoir lu qu'à l'occasion de son deuxième voyage, c'est grâce aux Indiens qui sont avec lui, qui lui servent d'interprète, qu'il se fera indiquer le passage pour se rendre à ce fleuve qui pénètre, cette rivière qui pénètre à l'intérieur. Ce que raconte l'historien Denis Vaugeois à l'émission Dossier en 1982 montre assez bien l'importance qu'ont les récits de voyage de Jacques Cartier dans la connaissance qu'on a conservée du contexte dans lequel il débarque en Amérique au 16e siècle. Jacques Cartier, à qui on a longtemps attribué à tort la découverte du Canada, fait trois voyages en terre d'Amérique entre 1534 et 1542. Août 1541. Jacques Cartier remonte le fleuve Saint-Laurent à la recherche d'un endroit propice pour établir la première colonie française en Amérique. Il y avait un promontoire haut et raide où nous pratiquâmes un chemin en manière de double montée. Et au sommet, nous y fîmes un fort pour la garde du fort qui était au bas, ainsi que des navires, et de tout ce qui pouvait passer tant par le grand fleuve que par cette petite rivière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans le milieu. Environ 460 ans plus tard, on vient enfin de découvrir l'endroit exact où Jacques Cartier et ensuite Jean-François de la Roque, sieur de Roberval, se sont établis. Cette première colonie française ne durera que 2 ans. Nous sommes ici sur un site absolument unique. Unique, là, au nord du Mexique. On est à l'endroit même où des Européens ont fondé, pour la première fois au nord du Mexique, une colonie de peuplement. Bon, ça va durer le temps que vivent les roses, mais on avait mis le paquet. Extrait d'un reportage de Michel Rochon diffusé à l'émission Découverte en octobre 2006. Vous y entendiez l'historien Jean Provencher pour nous parler des trois expéditions de Cartier au Canada, de l'importance également qu'auront les récits qu'il fera de ces expéditions dans ses carnets de voyage. Je reçois Claude Lacharité, qui est auteur, professeur de lettres à l'Université du Québec à Rimouski. Claude Lacharité, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. On a longtemps présenté Jacques Cartier, Claude Lacharité, comme celui qui découvre le Canada. C'était une erreur, mais ça a été vraiment très, très longtemps la façon dont on le présentait. Pourquoi avoir si longtemps répété la même fausseté? Bien, parce que je pense qu'on a adopté pendant longtemps le regard des Européens, tout simplement. Mais c'est effectivement faux, puisque, faut-il le rappeler, le Canada n'était pas du tout une terre vierge au moment où Jacques Cartier arrive ici pour la première fois. C'est un pays qui est déjà habité depuis plusieurs milliers d'années par les Premières Nations, par les Inuits. Et même d'un point de vue européen, c'est assez faux de considérer Cartier comme le découvreur du Canada, parce qu'il y avait déjà des pêcheurs européens qui venaient dans le Golfe et même un peu dans l'estuaire du Saint-Laurent avant 1534. C'est le cas des pêcheurs bretons qui pêchent la morue dans les bancs très, très abondamment pourvus de Terre-Neuve. Et c'est le cas également des pêcheurs basques qui viennent chasser la baleine jusque dans l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, de ce point de vue-là, c'est inexact. Et c'est encore plus inexact si on tient compte du fait que, par exemple, les Vikings ont colonisé l'île de Terre-Neuve aux environs de l'an 1000. Il y a des archéologues qui ont récemment retrouvé des artefacts appartenant à des Vikings, oui, sur l'île de Terre-Neuve. Donc, 500 ans avant Cartier, c'est dire à quel point il n'a pas découvert, oui, le Canada. Cela étant dit, il reste une figure importante dans l'histoire de ce pays. Pourquoi, de quelle manière objectivement est-il important? Mais là où Cartier se distingue de ses prédécesseurs, c'est qu'il a un projet politique. C'est le roi de France, François Ier, qui lui donne le mandat d'aller explorer ces terres du Nouveau Monde et d'aller, en quelque sorte, implanter la France en Amérique. Il faut dire que la France, à l'époque, est le royaume le plus peuplé, mais malheureusement, un pays qui a, en quelque sorte, du retard dans l'exploration des terres nouvelles par rapport à deux grandes puissances européennes qui sont ses rivales, le Portugal et l'Espagne. l'Espagne. Le Portugal a découvert une route pour aller en Asie en longeant la côte de l'Afrique et en doublant le cap de Bonne-Espérance. Le Portugal qui a également aussi colonisé le Brésil et l'Espagne qui a bien sûr des colonies depuis déjà longtemps qui lui rapportent beaucoup de richesses en métaux précieux notamment. Et la France est en quelque sorte le parent pauvre des expéditions coloniales de l'époque. Et François Ier décide de rattraper son retard et confie donc la mission à Jacques Cartier de rattraper ce retard précisément. Et pourquoi Cartier? Comment se fait la rencontre? Pourquoi confier cette mission politique importante à Jacques Cartier? Alors, il s'agit en fait d'un parent de Cartier qui est évêque de Saint-Malo, un certain Leveneur, qui est aussi abbé du Mont-Saint-Michel, qui va présenter Jacques Cartier au roi François Ier. Mais Jacques Cartier, en fait, a une sorte de compétence. Son père était vraisemblablement un pêcheur morutier de Saint-Malo, qui connaissait donc forcément les eaux de Terre-Neuve, les bancs de Terre-Neuve. Et vraisemblablement, Jacques Cartier a bénéficié de cette expérience, des routes maritimes, cette expérience nautique qui est très importante chez les pêcheurs de Saint-Malo. Par ailleurs, vraisemblablement, malheureusement, les archives sont rares sur Cartier, mais selon toute vraisemblance, Cartier est déjà allé au Nouveau Monde dans les années 1520 en se joignant à d'autres expéditions. C'est quelqu'un dont on sait qu'il a une connaissance du portugais. Alors, le portugais est une langue très importante parce que les Portugais sont considérés au 16e siècle comme les meilleurs marins. Et quelle que soit la nationalité des expéditions, il y a toujours des Portugais à bord. Donc, le fait de maîtriser le portugais, ça donnait une longueur d'avance à Jacques Cartier. Revenons à François Ier, à cet objectif qu'il a de ne pas être en reste et de faire partie lui aussi de ses puissances, de mettre sa marque sur ce nouveau monde qu'on découvre à gauche, à droite, au sud et au nord. Que représente plus spécifiquement pour François Ier les expéditions de Cartier? Quelle place occupe Cartier et ses aventures en Amérique vues de la France de l'époque? Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Cartier et le fleuve, diffusée en août 1984 et dans lequel on entend les auteurs malouin Loïc et Isabelle Frémont. Cartier regarde Saint-Malo. Comme s'il n'avait pas tout à fait réglé ses comptes avec le roi François. Ça, l'histoire le dit encore aujourd'hui. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai trouvé... C'est toute l'histoire de François Ier. Il y a 10 lignes sur Cartier. Et ça m'a beaucoup frappé parce que ça remet tout à coup l'aventure dans un contexte terrible en même temps. Parce qu'on se rend compte que le grand marin du temps, c'est un armateur de Rouen, Angot, et qui avait la grande obsession de François Ier, qui était à la mode du temps, c'était l'Amérique du Sud. Et on s'aperçoit que Cartier, il est presque à contre-courant, quoi. C'est un accident de l'histoire. Un épisode. Ouais, c'est un épisode de l'histoire. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que à partir de cet épisode, il y a quand même un morceau de terre dans l'Amérique du Nord qui parle français. Et ça, c'est bon. Mais ça explique peut-être la différence d'intérêt porté à ce personnage d'une part par les Québécois, d'autre part par les Français. Pour les Français, c'est un personnage parmi d'autres. Pour les Québécois, c'est le début de leur histoire. Ça, c'est assez fascinant, ce qu'on vient d'entendre, Claude Lacharité. Ça met les choses en perspective, c'est le moins qu'on puisse dire. Parlez-moi de ça. Comment il est perçu, Cartier, au moment de ses expéditions au Canada, dans cette France de François Ier? Bien, c'est un personnage qui a malheureusement échoué. Toutes ces tentatives de colonisation du Nouveau Monde ont échoué et les Français vont rester bredouilles jusqu'au début du siècle suivant, jusqu'à l'arrivée de Samuel de Champlain sous le règne d'Henri IV. Donc c'est forcément un personnage qu'on met peu en avant et un exemple concret de ça, c'est le fait que ses récits de voyage de son vivant ne vont être publiés qu'une seule fois. Il y aura une édition du récit du deuxième voyage uniquement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne veut pas donner trop de publicité à ce qui s'est finalement révélé être des échecs. Oui. Et même jusqu'à un certain point, peut-être que pour nous, aujourd'hui, Jacques Cartier peut être perçu, à tort ou à raison, comme le fondateur d'une civilisation, comme un grand héros qui a découvert un nouveau monde. Mais en réalité, en son temps, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui s'est grossièrement mépris sur ce qu'il croyait être de l'or et des diamants qu'il va rapporter de son troisième et dernier voyage. Et on sait bien que cet or, en réalité, c'était de la pyrite de fer, ce qu'on appelle l'or des fous. Et les diamants qu'il croyait avoir rapportés, c'était en réalité des quartz. Et donc, à la cour du roi François Ier, à la fin de la vie de Jacques Cartier, qui va mourir en 1557, donc bien après la mort de François Ier en 1547, il y a une expression qui circule couramment, qui est « faux comme diamant de Canada ». Et « faux comme diamant de Canada », c'est une expression qui est en quelque sorte très courante pour dénoncer le comble de la fausseté. Ça montre à quel point Jacques Cartier, plutôt que d'être l'objet d'une quelconque admiration, est en réalité plutôt un objet de dérision. On se moque carrément de Cartier dans ce Paris de l'époque. Tout à fait. Ouais. Revenons concrètement à ces trois expéditions quand même qu'il fera au Canada. Sa première traversée, il l'a fait en 1534, un voyage plutôt sommaire. On écoute le père Lucien Campeau décrire l'itinéraire du premier voyage de Cartier au Canada à l'émission Le matin de la fête en septembre 1975. Alors, il passe de la côte nord du Labrador et puis il descend le long de la côte de Terre-Neuve. Il est dérangé par des tempêtes. Il nomme lui-même les caps le long de la côte de Terre-Neuve et puis il nomme l'île de Brion du nom de l'amiral de France. Et puis il passe aux îles de la Madeleine et alors il les longe. Il va toucher à l'île du Prince-Édouard et il ne s'aperçoit pas non plus que c'est une île. Alors, il s'est contenté donc d'explorer le golfe en 1534. C'est ça. Et il s'est contenté d'explorer le golfe. Il est passé à Gaspé. Nous avons parlé de Gaspé. Il est entré dans la baie de Gaspé à cause d'une tempête pour se mettre à l'abri. Et de là, il part. Il traverse le fleuve sans s'apercevoir qu'il est dans l'entrée du fleuve. Il traverse et va directement à l'île d'Anticosti, qu'il longe et dont il fait presque le tour en revenant par le nord. Et puis là encore, il ne semble pas soupçonner qu'il est dans une entrée qui pourrait l'introduire à l'intérieur, très loin à l'intérieur du continent. Alors, un premier voyage qui se résume, c'est peut-être réducteur de dire ça, Claude Lacharité, mais un petit tour du golfe Saint-Laurent. À quoi il se résume, ce premier voyage de Cartier? Mais en fait, on voit Cartier emprunter un itinéraire qui est celui des pêcheurs morutiers de Bretagne, c'est-à-dire qu'il se rend d'abord dans les bancs de Terre-Neuve, et on dirait qu'au-delà des bancs de Terre-Neuve, ben, c'est un peu comme s'il naviguait à vue et au hasard, parce qu'il ne sait pas très bien ce qu'il attend. Il ne connaît pas du tout la topographie des lieux. Il ne connaît pas, effectivement, l'existence même du fleuve Saint-Laurent. Et il va se contenter, effectivement, comme vous le dites, d'explorer le golfe du Saint-Laurent. Il va descendre à Onguedau, l'actuelle ville de Gaspé, pour y planter une croix. Qui porte une inscription « Vive le roi de France », qui va, évidemment, susciter une certaine incompréhension de la part des Amérindiens qui se trouvent sur place, et notamment du peuple de Stadacone et de son chef Donnacona, qui va, par geste, essayer de faire comprendre à ses interlocuteurs français que tout ce territoire lui appartient et qu'il n'est pas question que les Français viennent y planter une croix. En tout cas, c'est ce que les Français ont l'impression de comprendre, puisqu'évidemment, il y a toujours des malentendus possibles quand on s'exprime par gestes et par signes. Donc, un voyage assez bref. Il retourne en France, cela dit, avec les deux fils de Donnacona. Effectivement, Domagaya et Tayouani, qui vont effectivement séjourner à la cour de France, qui vont apprendre le français et qui vont revenir avec Jacques Cartier lors de son deuxième voyage et qui vont servir d'interprète à Jacques Cartier. Donc, les communications vont être en quelque sorte facilitées par le fait que les fils du chef de Stadacone, Donnacona, ont appris le français pendant leur séjour en France. Et ce deuxième voyage, c'est tout de suite l'année suivante, en 1535. Effectivement, 1535 et qui va se prolonger jusqu'en 1536. Et c'est un voyage qui va en fait amener Jacques Cartier à découvrir cette fois-là l'estuaire du Saint-Laurent et même le fleuve Saint-Laurent, puisqu'il va suivre un itinéraire qui va l'amener de Stadacone, l'actuelle ville de Québec, jusqu'à Hochelaga, l'actuelle ville de Montréal, avant finalement de repartir vers la France et en emmenant parmi donc d'autres Amérindiens, d'autres Autochtones, le chef de Stadacone, Donnacona. Alors ça, c'est évidemment un peu troublant pour nous parce que ça ressemble à une sorte d'enlèvement. On a bien l'impression, en lisant les récits de voyage, que Donnacona n'était pas tout à fait consentant et ni tout à fait conscient de ce que ça impliquait pour lui. Et de fait, le pauvre Donnacona va mourir en France sans jamais pouvoir rentrer dans son pays natal. Il revient une troisième fois pour un troisième voyage donc au pays Cartier. Et à ce moment-là, ambition plus grande. En fait, il nourrit de réelles ambitions dans ce troisième voyage de colonisation. Avec quel genre de résultats? Alors, c'est un voyage qui va durer donc un an, de 1541 à 1542, avec de très grands moyens. En fait, le pouvoir royal a décidé de fournir tous les moyens pour vraiment s'implanter de manière durable au Nouveau Monde. En principe, il aurait dû y avoir deux expéditions menées en parallèle, l'une par Cartier, l'autre par Roberval, mais à cause de toute une série de circonstances, l'équipage de Roberval va quitter avec beaucoup de retard et Cartier et Roberval vont se croiser au large de Terre-Neuve. Donc finalement, ce qui aurait dû être deux expéditions menées conjointement va donner lieu en réalité à une expédition suivie d'une autre, mais ce sera à nouveau un échec cuisant parce qu'il y a une hostilité de plus en plus grande de la part des Autochtones, parce que évidemment, l'hiver est extrêmement rigoureux et les Français visiblement ne sont pas prêts à faire face aux conditions hivernales qui prévalent ici en Amérique du Nord. Et d'autre part, ben, lors du deuxième voyage, déjà, il y avait eu un épisode de scorbut qui avait fait beaucoup de morts. Alors maintenant, le scorbut est à peu près, je dirais, contrôlé comme maladie puisque les Autochtones ont appris aux Français comment se guérir du scorbut. Mais il reste qu'il y a toutes sortes de problèmes hein, de malnutrition qui font en sorte que très rapidement, les équipages et de Cartier et de Roberval vont rentrer en France et de façon, je dirais, définitive, mettant un terme définitif aux tentatives de colonisation. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, par ailleurs, Cartier est convaincu, lorsqu'il revient de son troisième voyage, d'avoir une cargaison pleine d'or et de diamants. Et donc, il est très, très pressé de rentrer pour montrer ses découvertes au roi de France. Mais malheureusement, il va devenir un objet de risée. Toute la terre, des deux côtés du dit fleuve, jusque à Hochelaga et outre, est aussi belle terre et unie que jamais homme regarda. Il y a quelques montagnes, assez loin du dit fleuve, que on voit par-dessus les dites terres, desquelles il descend plusieurs rivières qui entrent dedans le dit fleuve. Toute cette dite terre est couverte et pleine de bois de plusieurs sortes et force vignes, excepté à l'entour des peuples, laquelle ils ont défriché pour faire leur demeurance et labour. Le comédien Marcel Sabourin, lisant un extrait des Récits de voyage de Jacques Cartier, l'émission Jacques Cartier 1491-1557, diffusée à notre antenne en 1984. Ce qu'on sait des différents voyages de Cartier au Canada, Claude Lacharité, ça repose beaucoup sur ces récits de voyage. D'abord, est-ce qu'on sait si c'est Cartier lui-même qui en est l'auteur? Malheureusement, les spécialistes ont longuement débattu de cette question sans parvenir à une réponse tout à fait convaincante. Il se trouve que les deux positions sont défendues avec des arguments convaincants. Certains pensent qu'effectivement, c'est Cartier lui-même qui est l'auteur des relations de voyage. D'autres croient que Cartier a fait appel à un rédacteur qui aurait pu jouer un rôle de secrétaire et qui aurait écrit sous la dictée de Cartier. Il n'y a en fait pas de manière de trancher de façon définitive le débat. Ce qui, évidemment, pose problème, c'est que parfois, il est question de Cartier au « je » et parfois il est question de Cartier au « il ». Oui. Mais même lorsqu'il est question de Cartier à la troisième personne, ça ne signifie pas nécessairement que ce n'est pas Cartier qui a écrit la relation de voyage en question, puisqu'il y a un modèle très important à l'époque qui est le commentaire de la guerre des Gaules de Jules César, où Jules César parle de lui-même à la troisième personne. Oui. Donc on peut très bien imaginer que Cartier ait voulu, en quelque sorte, se montrer sous un jour très favorable, comme une sorte de conquérant, non pas des Gaules comme Jules César, mais d'un nouveau monde, de la Nouvelle-France, pour répondre évidemment à l'ordre de son roi François Ier. Et au-delà de son auteur, que racontent ces fameux récits de voyage? Alors, il y a toutes sortes de choses dans ces récits de voyage. Il y a des moments où on a l'impression d'assister à une sorte de longue énumération de caps et battures, où on a des noms de lieux qui s'enchaînent. Et évidemment, c'est une lecture qui, pour nous, aujourd'hui, est un peu aride et difficile, surtout lorsqu'il s'agit de noms de lieux qui n'ont pas été conservés. Donc, on est un peu perdu. Il faut nécessairement recourir à une carte ou à des notes pour savoir exactement où se trouve l'équipage de Cartier à tel ou tel moment. Évidemment, il ne s'agit pas du tout d'une lecture littéraire ou poétique. Il s'agit là de fournir un itinéraire pour d'éventuels marins qui auraient envie de refaire le même voyage. Donc, il y a une espèce de dimension pratique à ces récits de voyage. Il y a d'autres moments où on peut avoir l'impression d'assister à des passages plus poétiques lorsque, par exemple, on découvre comment tel nom de lieu a été donné. Oui. c'est le cas, par exemple, de l'île aux Lièvres, qui est au large de Rivière-du-Loup, ben, en mai 1536, on a une entrée du récit de voyage, du deuxième voyage de Cartier, qui nous explique que ce nom a été donné tout simplement parce qu'on y trouve abondance de lièvres, ce qui est très important, parce que ça permet, bien sûr, à l'équipage de manger de la viande fraîche après un très long voyage en mer où il était impossible de manger de la viande fraîche. Ce qui est évidemment très, très touchant pour nous aujourd'hui, c'est que si on va sur l'île aux Lièvres, on va effectivement encore aujourd'hui trouver abondance de lièvres parce que c'est une réserve naturelle qui appartient à la Société du Vénor et que les lièvres n'ont encore aujourd'hui aucun prédateur. Donc, on a un peu l'impression de marcher dans les pas de Jacques Cartier. Et puis, un des intérêts principaux de ces récits, c'est que non seulement on marche dans les pas de Cartier, mais on se promène un peu dans sa tête. L'intérêt, c'est que ça nous permet, ces récits, de voir de quel œil il voit le pays. Ça, c'est important. Le genre de relation qu'il va avoir avec les habitants du pays, les autochtones aussi, ça fait partie de ces récits. Oui, tout à fait. Ce qui est assez frappant, c'est de voir que, en fait, Cartier, à aucun moment, n'a conscience d'être en présence d'un vaste continent massif qui va du nord au sud. Pendant très longtemps, les Européens vont penser que l'Amérique, c'est simplement une série d'îles, des archipels. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les Européens sont obsédés par l'idée de trouver une nouvelle route qui mène vers l'Asie. Or, pour que ce projet-là puisse se réaliser, il faut nécessairement que ce vaste continent, ce soit que des îles qu'on pourra contourner en bateau pour finalement arriver en Asie. On ne veut pas le voir, ce continent. Exactement. Et ce n'est pas du tout la destination finale. C'est comme une sorte de pis-aller, c'est-à-dire, voilà de nouvelles terres que l'on peut certes coloniser, mais l'objectif ultime, ça reste encore et toujours la route de l'Asie. Hein. Dans une des commissions délivrées à Jacques Cartier, le Canada est décrit comme étant un bout de l'Asie du côté de l'Occident. Donc, il y a encore cette croyance que finalement, si on va toujours plus vers l'Ouest, on va finir par arriver en Asie et on n'a pas du tout conscience que l'Amérique est un continent, mais que même au-delà de ce vaste continent, il y a un très vaste océan qui est l'océan Pacifique, de sorte que l'Asie est très, très, très, très loin à l'Ouest. Oui. Vous le disiez un peu plus tôt, ces récits de voyage auront très, très peu d'impact au moment de leur publication. En fait, il n'y en aura qu'un des trois qui sera publié. Aujourd'hui, comme littéraire, comme historien, quel regard on peut porter sur cette œuvre-là, sur ce document-là? Bien, c'est un document qui est intéressant parce qu'en fait, ça nous permet en quelque sorte de voir ce vaste continent et même ce pays que nous habitons avec un regard neuf, celui des Européens qui le découvrent il y a 500 ans. Et ça permet également de garder la mémoire d'un certain nombre de faits culturels et linguistiques des Iroquois, par exemple, hein, le fameux peuple qui habite à Hochelaga. Mais ce peuple amérindien va disparaître entre le dernier voyage de Jacques Cartier et le premier voyage de Samuel de Champlain. Et tout ce que l'on sait de ces Iroquois, ce sont des vestiges archéologiques qu'ils ont laissés, mais ce sont également des mots que l'on trouve dans le lexique que fournit Jacques Cartier à la fin de ses récits de voyage, des lexiques donc, qui cherchent à donner des équivalences entre les langues amérindiennes et le français de l'époque, et en particulier avec le fameux Iroquois. Alors, sans ces traces-là, on ne saurait à peu près rien de la langue des Iroquois. Alors, c'est assez fascinant. Mm-hmm. Claude Lacharité, on s'arrête là-dessus. Écrivain, professeur de lettres à l'Université du Québec, Rimouski, merci infiniment. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.